Ma communication va porter effectivement sur le Rhône entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Et je voudrais resituer cette présentation dans un retour, un investissement récent des historiens en direction des territoires humides en général, les deltas, mais aussi d'autres lieux comme les marais ou les rivières. Et sur la question de leur exploitation et de leur aménagement. Pour recentrer mon propos plus précisément sur la question du delta du Rhône, le delta a été étudié principalement avec différentes approches que je voudrais rappeler pour situer mon propos. La première approche, ce sont des évolutions qui ont été retracées en très longue durée par les géographes principalement, qui sont des évolutions hydrogéomorphologiques sur lesquelles je m'appuierai, ou des évolutions panylologiques, c'est-à-dire portant sur la flore et la végétation, qui remontent à des milliers d'années. La deuxième perspective qui se dégage des études portant sur le Rhône, c'est tout le problème de l'exploitation agricole de ces terrains, et notamment une exploitation qui s'est développé à partir de l'endiguement très nettement engagé dans cette région du Rhône, du delta du Rhône, à partir du XVIIe siècle. L'exploitation du sel a également donné lieu à beaucoup de travaux. Et la dernière perspective que je voudrais évoquer, parce qu'elle est en cours et j'y travaille partiellement, c'est effectivement la question de la gestion d'espaces communs, de biens communs, qui porte principalement sur la question du dessèchement de zones insalubres, de ces zones de marais qui concernent cette région du delta du Rhône. Alors, dans ce panorama historiographique que j'ai dressé vraiment très rapidement, globalement, il y a très peu de travaux portant sur les infrastructures de transport construites ou entretenues dans cette zone de delta. Et il existe quelques travaux, mais ces travaux sont généralement anciens. Et il y a un nom que je voudrais citer, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur cette région et avec des travaux de très grande qualité, c'est les travaux de Gaston Rambert, dont le dernier article date de 1960 et qui a posé des jalons tout à fait importants. Cette étude, effectivement, des aménagements de transport qui sont destinés à faciliter la navigation dans cet espace du delta, à fluidifier la circulation, est un terrain d'étude relativement peu exploré. Et en fait, les géographes que j'évoquais tout à l'heure qui ont travaillé sur la place des infrastructures et notamment des canaux dans le delta ont surtout étudié l'impact que ces canaux ont eu sur le paysage et notamment les processus d'alluvionnement qu'ils ont provoqués, mais peu la dynamique même de ces infrastructures. Alors, je voudrais commencer par une carte, effectivement, du delta du Rhône tel qu'il est actuellement, avec les deux branches que vous voyez ici, le petit Rhône qui est ici et le grand Rhône qui est ici, et puis une place stratégique que j'évoquerai assez souvent, qui est Arles, et plus en amont, Tarascon, et une infrastructure qui est en fait la seule qui va véritablement être réalisée à partir du début du XIXe siècle, qui est cette liaison ici, qui est le canal d'Arles à Port-Bouc. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une plaine deltaïque qui est structurée de cette façon-là. Et autrefois, on a globalement une configuration qui est assez semblable, mais plus complexe. Il y a effectivement le Grand Rhône, et toute une série de projets que j'évoquerai dans cette zone qui est ici. Il existe également d'autres projets concernant le Petit Rhône, que je n'évoquerai pas parce que le temps est limité. Il existe une navigation qui est une navigation extrêmement difficile par ce qu'on appelle le canal des étangs, Et on a toute une série de lieux comme la Radelle ou d'autres étangs comme Silvéréal qui permettent effectivement de faire un trafic d'opérer un trafic navigable jusqu'au lit principal du Rhône, mais qui ne supporte que de très faibles tonnages, c'est-à-dire de petits bateaux et avec une navigation extrêmement difficile. Alors, pour mon propos, je vais me centrer essentiellement sur cette partie-là. Je m'appuie sur une carte de collègues géographes qui retrace effectivement assez bien la complexité de la partie orientale du delta, donc le Grand Rhône, et puis toute une série de divagations que je vais évoquer, qui sont le bras de fer, le Grand Passon, ou d'autres bras que des aménageurs de l'époque ont essayé de valoriser pour la navigation. Alors, cette configuration de la partie orientale du Rhône est tout à fait importante et se situe dans un contexte qui est celui sur lequel je travaille, 17e, début 19e, un contexte qui est tout à fait particulier parce que c'est un contexte de modification assez notable du paysage deltaïque à ce moment-là. On observe effectivement des recompositions dans les lits et dans les bras, ce qu'on appelle les bras, c'est-à-dire des lits secondaires du Grand Rhône. Et toute cette partie-là est une partie extrêmement instable au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec la formation de nouvelles îles et des processus d'alluvionnement que j'évoquerai rapidement tout à l'heure. Troisième diapositive, juste pour situer mon propos, qui est une carte également empruntée à plusieurs collègues géographes travaillant sur ces questions, notamment Arnaud Facetta, sur la limite, effectivement, au moment où je travaille, entre les eaux salées et les eaux douces, et la partie effectivement qui va m'intéresser est celle-ci, où on voit effectivement des problèmes de remontée et de barre tout à fait importants. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier cette partie orientale du delta du Rhône à partir d'une floraison de projets de canalisation entre la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, et je m'arrêterai précisément au moment où sont engagés les travaux effectifs du canal que j'évoquais en introduction tout à l'heure, qui est le canal Arles-Bouc, donc Port-Bouc aujourd'hui, qui est décidé en 1802. Les travaux commencent en 1802. Le chantier est suspendu en 1813 et les travaux vont reprendre en 1822. L'ouvrage est quasiment achevé à ce moment-là, mais il sera inauguré et mis en service en 1834. Il y a de magnifiques archives sur le canal d'Arles à Port-Bouc. J'ai préféré faire l'archéologie de ce projet avant de grands aménagements qui vont concerner la région, principalement à partir des années 1840. Alors, les sources qui permettent effectivement d'étudier ces projets sont des sources qui sont dispersées dans différents lieux de conservation. À Paris, principalement, les archives militaires au château de Vincennes. Beaucoup d'archives très intéressantes et peu connues qui sont conservées à la bibliothèque de l'école des Ponts et Chaussées, et puis d'autres sites complémentaires qui sont les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France, auxquels s'ajoutent beaucoup d'archives également localement, et notamment aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Alors, ces différentes archives permettent de proposer plusieurs axes de réflexion. La première qui m'intéressait était d'étudier à travers ces projets l'interconnexion, la liaison entre le fleuve et la mer, avec le problème essentiel en matière de transport qui est minimiser autant que possible la rupture de charge entre le transport maritime et le transport fluvial. Le deuxième axe que je voudrais aborder, c'est effectivement la construction dans cet espace d'une politique territorialisée. C'est-à-dire, est-ce que tous les projets que je vais évoquer, et je pense en trouver d'autres, est-ce que tous ces projets forment effectivement une politique territoriale? Et si oui, effectivement, quels sont les acteurs de cette politique? Quels sont leurs objectifs? Et dans un troisième temps, je voudrais voir quelles sont les connaissances que produisent ces projets et du même coup les acteurs qui les portent. Effectivement, des connaissances qui sont des connaissances géographiques ou environnementales sur le Delta et qui soulignent une configuration qui est une configuration mouvante qui s'adapte en fait assez mal à des projets d'aménagement. Les projets d'aménagement, surtout en matière d'infrastructure, ont au contraire besoin de stabilité pour définir et réaliser sur de longues périodes des chantiers. Donc globalement, pour résumer mon axe d'interrogation, ce sera effectivement d'essayer de comprendre les modalités et les enjeux de ces projets d'aménagement et les critères d'évaluation et les critères de choix qui sont derrière. Alors voilà, je vous ai mis sur la diapositive une sélection de ces projets pour vous montrer le spectre chronologique sur lequel ils portent. J'ai indiqué, entre parenthèses, à côté de plusieurs promoteurs, leur origine géographique. J'y reviendrai tout à l'heure pour effectivement apporter un certain nombre d'éléments de réflexion. Pour aborder ce dossier, je voudrais procéder en trois temps, en commençant effectivement par les difficultés de navigation propres à cette zone deltaïque, pour ensuite étudier le contenu et les acteurs qui sont partie prenante de ces projets, et dans un dernier temps, réfléchir sur l'évaluation d'une telle politique d'aménagement et la difficulté à aboutir à une décision qui intervient quasiment deux siècles plus tard. Alors, je voudrais commencer effectivement par évoquer les difficultés de navigation qui sont au cœur des projets de canalisation que j'évoquais tout à l'heure. Une première remarque, c'est d'insister sur l'intense navigation qui existe dans cette zone. Il y a effectivement dans le delta du Rhône plusieurs séries de trafic, un qu'on peut chiffrer très facilement, je n'ai pas mis la diapo, mais qui porte effectivement sur le transport à destination des galères et des arsenaux du roi situés à Toulon. Et il existe sur la vallée du Rhône et a fortiori dans le delta du Rhône une activité très importante en matière de circulation de munitions, de denrées, de bois, de chanvres, etc. etc. La deuxième grande série de trafic, je l'ai indiqué très rapidement ici, c'est effectivement un trafic qui n'est pas un trafic militaire, qui est un trafic commercial, un trafic marchand, qui est structurellement et conjoncturellement très important sur le Rhône, principalement entre Arles et Lyon, mais qui a effectivement une interconnexion avec la zone portuaire. Et donc structurellement, on a un trafic marchand très important, très diversifié. On a des listes de produits avec des indications de valeur qui montrent l'importance de ce trafic. Et conjoncturellement, le trafic est accru par la foire de Beaucaire. Et la foire de Beaucaire augmente considérablement au moment de cette foire le trafic. Alors on a des estimations qui permettent d'étayer la courbe tendancielle que j'ai indiquée juste pour une petite séquence chronologique entre 1732 et 1748, où on voit, malgré les difficultés de navigation, une augmentation très nette du trafic qui se chiffre en milliers de quintaux, que ce soit effectivement par des évaluations de l'époque ou des évaluations postérieures. Et on a effectivement, par exemple, pour ne prendre que le trafic du sel dans cette région, le trafic du sel se chiffre à plus de 70 000 quintaux expédiés depuis les étangs de Berre situés à proximité. Le deuxième indicateur qu'on peut utiliser pour mesurer le trafic et l'augmentation du trafic dans cette zone deltaïque, c'est le nombre de voituriers. On a une estimation assez claire du nombre de voituriers de marins à Arles, et c'est en gros une centaine de marins qui disposent de tartanes de mer et qui assurent le trafic entre la mer Méditerranée et la section proprement fluviale du Rhône. Donc on a effectivement toute une série d'indicateurs, que ce soit en nombre de bateaux, en quantité transportée ou en nombre d'opérateurs de transport, qui confirment l'importance de la circulation, y compris dans cette zone deltaïque particulièrement compliquée. Je vais y revenir. Dernière remarque avant d'aborder les difficultés, c'est que tous ces projets, a fortiori, mettent l'accent sur les difficultés de navigation du delta du Rhône, mais en occultant relativement l'importance d'un trafic routier qui est aussi très important. Il existe sur la partie orientale du delta, donc la partie orientale du Grand Rhône, deux axes routiers qui permettent de desservir à la fois Tours-Saint-Louis, aujourd'hui Port-Saint-Louis, et Foss, et on a deux axes routiers qui sont particulièrement complémentaires avec les voies navigables et qui mériteraient à elles seules aussi des analyses complémentaires, notamment pour les problèmes d'entretien qu'elles posent. Alors ces embouchures du Rhône sont très actives d'un point de vue du trafic, mais elles présentent des difficultés inouïes pour les mariniers. Je vais en faire une typologie très rapide. La première difficulté tient aux conditions climatiques. Elles ont été très largement étudiées. Et la principale difficulté, une difficulté à la remontée dans le delta, parce que la remontée expose à des vents différents. Et un des ingénieurs, sans doute un des ingénieurs militaires les plus connus en France au XVIIe siècle, qui est Vauban. Vauban a travaillé sur des aménagements du delta du Rhône et insistait sur la difficulté pour composer avec des vents nord-est puis sud-ouest, et la difficulté à trouver des abris et à composer justement avec les vents. La deuxième difficulté tient à des caractéristiques qui sont des caractéristiques non plus climatiques mais géomorphologiques dans cette région. Et la principale difficulté géomorphologique, c'est la création d'un nouveau canal qui est en fait à l'origine une toute petite rigole qui avait été creusée par ce qu'on appelle en France la ferme générale, c'est-à-dire l'administration fiscale qui est en charge des droits sur le sel. Et la ferme générale avait créé une toute petite rigole pour protéger les marais salants. Et en 1711, avec une crue exceptionnelle, le paysage va être complètement recomposé, et c'est cette rigole qui va devenir le lit principal du Grand Rhône. Et donc on est dans un territoire qui est complètement recomposé à partir de 1711, où la navigation abandonne du même coup ce qu'on appelle le bras de fer, qui était la voie de navigation pour ce canal de l'Aune, il est orthographié différemment dans les archives, qui se situe plus à l'est que la voie de navigation initiale. Et avant ce changement de 1711, il y avait en gros trois bras. Il y avait le bras de fer, le bras de vidange, sur lequel je reviendrai, et le bras de passon. Et le bras de passon était quasiment mort, il n'était absolument plus opérationnel au début du XVIIIe siècle. Le deuxième élément géomorphologique qui va en partie découler de ce changement de lit à partir de 1711, c'est un processus d'alluvionnement qui va se situer ici. Alors, je vais revenir très rapidement en arrière parce que ça a été très bien montré par les géographes, qui montrent effectivement que le canal de l'Aune est ici. Et on voit qu'il va précipiter une charge solide et du même coup entraîner une prorégulation du delta sur cette partie-là. Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc on a effectivement une avancée de l'embouchure du Rhône qui a été mesurée et qui découle très largement de ce changement. Donc c'est un déplacement qui a entraîné un alluvionnement plus important, mais qui a aussi entraîné une modification dans la ligne de rivage même de cette façade orientale du delta. La troisième difficulté en matière de navigation dans cette zone, c'est la faiblesse ou la modestie du tirant d'eau. Il y a peu d'eau pour naviguer. Il existe ponctuellement des crues très importantes. Il y a eu la crue de 1711 qui intervient à une fin de cycle. Il y a eu une très grosse crue en 1725. Mais en temps normal, dirons-nous, on a effectivement un tirant d'eau assez faible qui oblige à faire une rupture de charge et à transporter les marchandises convoyées par bateau de mer sur des bateaux qu'on appelle des tartanes, qui sont des bateaux plus appropriés et qui n'excluent pas forcément une autre rupture de charge ensuite à Arles. Alors, cette faiblesse du tirant d'eau, elle s'explique par plusieurs raisons. D'abord, par la faible pente du Rhône. Le débit du Rhône est beaucoup moins rapide à partir de Beaucaire, et ça contribue effectivement à réduire le tirant d'eau. Par ailleurs, on observe un élargissement du Rhône qui fait perdre en débit et en vitesse, et notamment en aval d'Arles, le Rhône fait 4 mètres à peu près de largeur, et certains géographes que je citais tout à l'heure, qui s'étaient cités dans les diapos, se sont amusés à calculer l'élargissement du lit du Rhône à partir des cartes dont on dispose entre le début du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. Et puis, le dernier facteur qui contribue à entraîner un faible tirant d'eau et minimiser le débit, c'est effectivement un partage des eaux qui fait que les eaux ont tendance à s'écouler ou à se disperser dans des branches différentes. Ces branches, dans le delta du Rhône, sont appelées des gras. Et du coup, on a une déperdition de débit. Alors, ces difficultés de navigation vont continuellement susciter les plaintes des voituriers. Et les principaux motifs de plainte qu'on trouve dans les archives sont des plaintes portant sur les retards considérables que les difficultés imposent à la navigation, les risques de naufrage qui sont tout à fait importants. Il y a un exemple qui est tout à fait mis en avant par les aménageurs, qui est un accident qui s'est passé en 1748 avec ce qu'on appelle un train de bateaux, une soixantaine de bateaux qui remontaient dans le delta. Et le bateau de tête a fait naufrage et tout a été arrêté pendant plusieurs mois. Le dernier motif de plainte, c'est le renchérissement des transports, du prix de transport que ça entraîne. Quand la navigation est difficile, voire totalement bloquée, notamment quand il y a des avaries, ça suppose de décharger les bateaux et de passer sur la voie de terre. Et du même coup, le transbordement et le transport par terre est prohibitif. C'est multiplié par 2, voire beaucoup plus, pour convoyer par terre. Donc les projets d'aménagement que j'évoquais pour les présenter rapidement insistent effectivement sur les difficultés de circulation et envisagent symétriquement les retombées positives que les projets entraîneraient. Alors avec des estimations qui sont parfois des estimations extrêmement biaisées, parce que certains ingénieurs notamment expliquent effectivement qu'avec une liaison canalisée de Port-Bouc à Arles, on pourrait faire le trajet en 18 heures, en un jour, alors qu'on peut le faire qu'en plusieurs jours ou en plusieurs mois actuellement. Simplement, quand on met à plat tous les projets, on s'aperçoit que les bases de référence ne sont pas les mêmes. Donc ce sont uniquement des discours performatifs pour véritablement plaider en faveur de ces projets. Et il resterait effectivement à voir si avec le canal Arles-Port-Bouc, on a une accélération effective du trafic. Mais là, on a déjà changé d'air. On a un type de navigation qui est totalement différent au milieu du 19e siècle. Dans un deuxième temps, rapidement, je voudrais évoquer ces projets d'aménagement maintenant, en m'interrogeant sur les systèmes d'acteurs, sur les connaissances du territoire que ça induit, et puis toute la réflexion en matière de développement de voies de transport et de circulation. Alors d'abord, pour aller très vite, ce sont des projets qui agrègent des systèmes d'acteurs très différents. Et il s'agit effectivement de les identifier pour voir leur degré d'expertise et les logiques d'action qui sont derrière, et puis éventuellement les relations de négociation qu'ils engagent. Alors d'abord, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent et qui produisent des projets au nom de compétences professionnelles, et qui pose effectivement le problème du degré d'institutionnalisation des émetteurs, de l'expertise technique de ces promoteurs. Pour le dire rapidement, cette expertise institutionnalisée, c'est principalement celle des ingénieurs militaires. On a effectivement de très nombreux projets qui sont produits par des ingénieurs de la marine, par des ingénieurs des fortifications. Et cet investissement des ingénieurs militaires s'explique par la nécessité ou le caractère stratégique de l'approvisionnement des arsenaux. Je ne vais pas les citer, il y en a un qui a été sollicité pour son expertise, c'est Vauban. Vauban, à la fin du XVIIe siècle, a été mobilisé sur cette question, mais on trouve toute une série de noms d'ingénieurs ou d'intendants de la marine qui interviennent sur cette question. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que leurs projets sont des projets qui intègrent assez faiblement les intérêts locaux. Il y a très peu de négociations avec les acteurs locaux du Delta. La deuxième série d'acteurs que je voudrais évoquer, c'est précisément ces acteurs locaux, ceux qui ont un enracinement dans le territoire à aménager, et de nombreux promoteurs appartiennent soit à la ville de Tarascon, soit à la ville d'Arles, et le projet que vous avez à l'écran est un projet de Pierre Chalamon, qui est précisément un habitant de Tarascon. Donc on trouve tout au long de la période des projets émanant de ces deux pôles urbains, et l'intérêt est évident, c'est pour ces deux villes, pour les édiles de ces deux villes, la volonté de réaffirmer le contrôle de la navigation dans la basse vallée du Rhône, et a fortiori dans la partie du Delta. Deux autres types d'acteurs que je voudrais évoquer très rapidement, qui mériteraient d'être étudiés plus précisément, ce sont les liens que peuvent avoir ces acteurs locaux avec des relais à la cour à Paris, et notamment des connexions avec des gens très introduits au ministère de la Marine, comme par exemple le maréchal de Belleisle, qui est quelqu'un qui a à la fois un enracinement local, c'est lui qui va soutenir toute une série de projets à Versailles et à Paris. Et puis, la quatrième série d'acteurs que je voudrais évoquer, c'est paradoxalement la faible intervention des milieux du transport. Ils se plaignent, mais ils sont rarement consultés, rarement intégrés dans ces projets. Je reviens sur le projet de Pierre Chalamon. Pierre Chalamon est un des rares à enregistrer le témoignage de patrons, c'est-à-dire le témoignage de mariniers âgés qui ont entre 60 et 70 ans et donc qui ont une connaissance et une connaissance avec une épaisseur temporelle du milieu sur lequel il veut agir. Alors ces projets n'ont pas un périmètre déterminé. Ce sont des projets qui développent un système territorial qui se structure en fait diversement selon les projets, en fonction à la fois du dimensionnement des liaisons ou de l'importance des travaux à engager ou du point de du point terminal à l'embouchure. Ça peut être Port-Bouc, ça peut être Foss, ça peut être l'étang de Berre. Donc on a un périmètre extrêmement fluctuant. Cette fluctuation, elle est en longueur, des trajets courts, des trajets longs, des trajets qui peuvent utiliser des étangs ou non. On a des propositions extrêmement variées à cet égard. La dernière remarque que je ferai sur le contenu de ces projets, c'est l'importance de l'outil cartographique. On a effectivement une collection de cartes qui pose la question effectivement de la capacité de la carte à représenter la réalité à aménager et qui parfois mettent même en évidence plusieurs choix alternatifs avec toute une série de représentations du milieu qui ouvriraient à d'autres chantiers. Pour terminer sur cette deuxième partie, le répertoire des solutions envisagées est très divers. On a une première solution qui est une solution qui est privilégiée dans un grand nombre de cas, qui est de choisir un bras et de boucher les autres de façon à garantir une alimentation en eau suffisante. C'est le cas du projet de Pierre Chalamont que j'évoquais tout à l'heure. C'est le cas de celui-ci. Alors, le canal est ici. Et en fait, l'idée, c'est de boucher ce canal qui est le cas, donc, qui est le canal de Vidange, et celui-là qui est un bras mort. Donc le condamner complètement de façon à garantir véritablement l'alimentation en eau de cette liaison ici. La deuxième opération qui est récurrente dans un grand nombre de ces projets, c'est d'atténuer au maximum les sinuosités, donc de faire des corrections à la marge pour composer sans forcément endiguer ou canaliser complètement un des bras ou un des gras. La troisième action qu'on retrouve dans de très nombreux projets, hein, qui sont très détaillés, c'est lutter contre la barre, c'est-à-dire le dépôt en limon, en arc de cercle, qui est à l'embouchure. Il y a toute une série d'opérations de dragage ou de systèmes d'écluses qui permettent de réguler les eaux du fleuve et les eaux de la mer. Et il y a effectivement des projets d'écluses à deux sas, par exemple, dans un projet du milieu du XVIIIe siècle. Ces projets sont centrés essentiellement sur la question de l'aménagement de la voie de transport et en fait intègrent très peu une politique d'aménagement globale, une politique d'aménagement territorial. C'est très tardivement qu'un certain nombre de projets, et a fortiori le projet du canal Arles-Port-Bouc, vont intégrer d'autres dimensions comme le drainage des zones marécageuses, par exemple. Et par ailleurs, ces mémoires montrent une sensibilité tout à fait nette aux contraintes naturelles. En gros, il y a la nature, il faut composer avec elle. Il y a des risques d'inondation si on bouche certains gras, si on bouche certains gras, et il y a toute une logique d'anticipation, effectivement, des conséquences naturelles que ça peut représenter en termes d'impact sur le territoire. Très brièvement, pour finir, je voudrais évoquer la difficulté à passer d'une évaluation, c'est-à-dire de projet, comme celui qu'on a à l'écran, de canal projeté, à la décision, et tenter d'expliquer pourquoi on observe une démultiplication de projets qui sont restés inaboutis pendant deux siècles, jusqu'à la décision que prend Napoléon Bonaparte de lancer les travaux du canal Arles-Port-Bouc. Est-ce qu'effectivement c'est des raisons strictement financières? Est-ce que l'évaluation, le calcul économique fait que ces travaux étaient absolument hors de portée pour les finances de l'État? Est-ce que c'est des difficultés techniques? Est-ce que c'est d'autres raisons, et à commencer par des oppositions locales? Je voudrais évoquer un certain nombre d'hypothèses. La première chose, c'est qu'effectivement, on a toute une série de projets qui évaluent très précisément le montant de la dépense. Et cette dépense, elle est d'autant plus importante qu'on est dans un terrain qui est relativement hostile, relativement instable, relativement difficile, avec des évaluations financières des travaux qui diffèrent selon le périmètre géographique des projets et qui diffèrent surtout selon l'utilisation qu'on fait des zones humides existantes. Si on utilise des canaux comme le canal de Vidange que j'évoquais tout à l'heure, ou si on utilise des étangs qui sont particulièrement nombreux dans cette région, ça permet effectivement de comprimer le coût. Alors, en gros, tous les projets, je vais abréger autant que possible, deux minutes. Oui. C'est des projets qui sont chiffrés en gros entre 1 million de livres tournois et 5 millions entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. Si on reporte aux travaux qui ont été estimés pour le canal Arles-Port-Bouc, c'est 7 millions de francs. Donc globalement, on a des travaux qui sont très importants, qu'on peut ensuite décomposer pour les travaux du port stricto sensu, le port du canal ou le port, les travaux pour des écluses. Ce qui est aussi important que l'évaluation de la dépense, ce sont les montages financiers qui les sous-tendent. Et la question, c'est effectivement comment on va financer et comment on va gérer ces infrastructures. Et une donnée fonctionne avec l'autre. La question fondamentale, c'est comment négocier la participation financière des différents acteurs intéressés. Quelle est la part qui revient à l'État? Quelle est la part à supporter par les acteurs locaux pour le développement de la zone, et notamment la participation de la ville d'Arles? Alors, il y a eu plusieurs propositions. Je les évoque rapidement, j'en évoque deux très rapidement. La première, c'est la concession. Ce sera le système qui sera finalement retenu initialement pour le canal Arles-Port-Bouc. Donc, un privilège de concession. Il est envisagé dès 1662. La deuxième option, elle est alternative ou complémentaire, c'est une tarification à l'usage. C'est-à-dire, on finance ces canalisations par un droit prélevé sur le trafic fluvial. Donc, on augmente le droit 2% de Arles, ou on taxe le trafic voyageur, le trafic marchand, et on augmente la tarification sur le sel dans la région. Donc on a effectivement plusieurs options financières et plusieurs montages qui sont évoqués. Dans tous les cas, c'est insuffisant et c'est considéré comme tel par ceux qui proposent les projets. Il faudra effectivement compter aussi avec des revenus complémentaires, les revenus des moulins, les revenus des marais desséchés, les revenus des plantations, pour ajouter au fond. Une des raisons essentielles, effectivement, de la difficulté à passer de l'évaluation de projet technique à la décision, c'est aussi les rivalités d'intérêts. C'est des acteurs qui ne sont absolument pas homogènes en matière de préférence et en matière de poids politique. Et il y a une rivalité très forte entre Arles et Tarascon, d'abord. Et puis, il y a une opposition viscérale de la ville de Arles à des projets qui ne déboucheraient pas à Arles, et qui, effectivement, entamerait son importance économique en matière de tête de pont de navigation. En conclusion, très rapidement, cet exemple de projet permet effectivement de voir une continuité en termes de planification territoriale et de dégager les objectifs généraux qui sont sous-jacents. Ces projets, ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, ça participe très largement à l'artificialisation du milieu entre le fleuve et son littoral. Ce qui est intéressant dans ces projets, c'est la faible objectivation de la catégorie delta. Le terme de delta est quasiment inexistant. On parle d'embouchure, on mentionne des zones humides. Et cette catégorie, effectivement, de la connaissance géographique, c'est intéressant pour la compréhension même du processus par lequel se construisent les objets territoriaux et a fortiori cette région. Donc, le dossier amène à réfléchir aux modalités qui sont des modalités à la fois cognitives et sociales en matière d'objectivation géographique quand il s'agit de transformer le territoire. Et pour finir, on a une évaluation d'un grand projet, de plusieurs ébauches de ce grand projet d'infrastructure, qui du même coup ne peuvent pas se résumer à une stricte analyse économique, coût-avantage, mais qui nécessite effectivement une approche beaucoup plus large pour rendre compte de tous les enjeux, à la fois politiques, environnementaux, sociaux, qui sont derrière. Merci beaucoup.